Metal Express avec Eric. Eh bien, amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver, donc, comme chaque lundi, de 19h à 21h. Nous sommes aujourd'hui, donc, le 21 mai, jour de Pentecôte. Ça nous a fait 3 jours de repos, ça fait du bien de temps en temps. Mais le Metal Express, lui, pas de repos. Et non, non, et je suis là, la preuve. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, que maintenant, Radio Heavy Metal... Il y a une plateforme pour ça, vous pouvez aller sur radio.fr, vous téléchargez l'application radio.fr et puis vous tapez Radio Heavy Metal et puis ensuite, très simple, sur votre iPhone, sur votre tablette ou bien votre PC, et puis vous pouvez écouter Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal a également des partenariats radio que je vous cite. C'est Radio Fréquence Zik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Et puis également Radio Heavy Metal a sa page Facebook, ça vous le savez depuis le temps. Et puis depuis quelques temps également sur la page Facebook, vous pouvez trouver le Metal Express. Voilà, on va commencer donc avec en premier un groupe américain au nom de Sandwood. C'est un groupe de rock, c'est excellent. Il n'y a pas très longtemps que c'est sorti, puisque c'est sorti vendredi. Ça s'appelle Fist Life, l'album. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Demon. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. You need to care about my everything. You need to care about the way I feel. Deep in the dark because I have a fucking demon within. I'm gonna see it like it is. Yeah. On your way, like you did. The only means to forgive is to be seen like it is. Voilà, le groupe s'appelle Sandwood et le morceau qu'on a écouté s'appelle Demon. Voici un groupe qui s'appelle Atomcraft avec une bonne reprise de Sin Lazy. Ça s'appelle Cold Sweat. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. The telephone. Stone cold sober and stone cold sweat running down the back of my neck. To lose means trouble, to gain means double, and I got me a heavy back. Cold, cold sweat. Right. outside, looking very slim. I'll be so lucky on the inside, I feel I'm gonna win. Stone cold sober and stone cold sweat, running down the back of my neck. Take a little money, there's nothing left to lose, and I got me a heavy bet. Sweat. Craft avec Cold Sweat, une excellente reprise, donc Sin Lizzy, voici Amorphis, The Best. Call us. finlandais Amorphis avec The Bee. Allez, ça s'appelle Mad Agony et le morceau qu'on écoute, Let Me Die. Journey with no return. Un excellent groupe de heavy metal italien, il s'appelle Mad Agony et le morceau qu'on a écouté, Let Me Die. Allez, voici un groupe qui s'appelle Poker Face avec le morceau The Bone Reaper. Un super morceau donc du groupe Poker Face avec The Bone Reaper. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Sacral Knights avec Full Moon Creep Sacrifice, suivi ensuite de Godless Entropia avec Into the Asylum. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Full of dead dreaming, the evil spell, rain of frosty. Ce groupe s'appelle Godless Entropia et le morceau qu'on a écouté, Into the Asylum. Du calme, tout se passe bien. Écoutez, voici le coup de cœur de la semaine de votre radio. Et oui, oui, le coup de cœur donc ce soir, c'est le nouveau EP de Agiro intitulé Dance With My Shadow. Et puis ce morceau qu'on écoute donc s'appelle Going Down. Bonne écoute dans le Metal Express et donc c'est l'exclusivité, ce nouveau EP d'Agiro. Everything's going wrong. Donc le nouveau EP du groupe Fécampois Agiro qui s'appelle Dance With My Shadow et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, Gang Down. On écoutera d'autres titres tout à l'heure. Voici un groupe qui s'appelle Fuck Shit Up avec Absolute Devil et c'est chez Kebras Records. Yeah. Ce groupe s'appelle Fuck Shit Up avec Absolute Devils chez Cobras Records. Radio Heavy Metal. Le meilleur du son en Normandie. Et oui, et oui, le meilleur du son en Normandie. Voici Toxin avec Horror From Inside. Un excellent groupe de thrash metal californien au nom de Toxin. Le morceau qu'on a écouté, Horror from Inside. Et voici tout de suite Dynastia Club avec le morceau Dans l'ailleurs absolu. Club, un peu dans la dance floor, on va dire, avec ce morceau Dans l'ailleurs absolu, et c'est donc leur troisième album qui est intitulé Pavillon Rouge. Allez, voici Demolition Train, ça s'appelle le Grim Reaper. Now! Voilà donc le groupe est grec, il s'appelle Demolition Train et le morceau qu'on a écouté, Grim Reaper. Allez, on va retrouver le groupe Fécampois à Giroux qui ont sorti donc leur nouveau EP vendredi. L'album, enfin le EP s'appelle Dance With My Shadow et ce morceau porte le nom du EP. Song I dance alone now. Ce titre porte le nom de leur nouveau EP, donc Dance With My Shadow. Le groupe fait qu'emploi donc à Giroux. Il y a donc Grégory Le Prêtre, guitare chant, Florian Réau, batterie chant, et puis Jérôme Scouty, basse chant. Le groupe fait qu'emploi à Giroux, donc ils étaient vendredi, en concert donc au Loc de Fécamp pour la sortie de leur nouveau EP. On écoutera un autre morceau tout à l'heure. En attendant. Et tout de suite, les dédicaces. Eh oui, les dédicaces, donc comme chaque lundi. Voici une première dédicace, donc c'est Easy Joe et qui me demande Edguy. Et on écoute le morceau Babylon. We'll be right back. Le groupe Ed Guy, avec Babylon, demandé par Easy Joe. Tout de suite, une nouvelle dédicace demandée par Valérie Robas. Donc, il y aura Scorpion en premier avec Big City Nights, suivi de Iron Maiden avec Fear of the Dark, et puis Halloween avec Keeper of the Seven Caves. Je cherchais le nom. Tout de suite, Scorpion. Yeah. a dark alone, and I was strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, you. Fear of the dark, yes. I have a phobia that someone's always there. Searching for the light. Sometimes when you Make the people hold each other's hands and fill their hearts with truth. You made up your mind, so do as divine. Put on your yourself ready for the lords of the dawn. They watch your way, so be cautious, quiet, and heard. As you hear the whispering in the crowns of the trees, your way. God in your bed, you can't throw a curse without taking the wrath. Watch out for the sins of hatred and sin. Oh, us people forget what we've been. Our only hope, sure victory. You can feel cold sweat running down your neck, and the drops of poisonous from behind your back, guided by spells from the overseer's hands. Your suffering pain only still can't stand. Stay with. Seven seas are far away, placed in the valley of dust, eat and sway. The seven seas are far. disease, my friend, for this whole world's in devil's hand. Disease, my friend, for the key or you may die. Disease, my friend, for this whole world in devil's hand. Disease, my friend, for the key or you may die. Devoir malheureusement couper un peu parce que c'est trop long et il y a encore du monde derrière qui attend et j'ai très peu de temps, il va me rester à peine une demi-heure. Excuse-moi alors Valérie pour ces petits... cette petite coupure pour Halloween. Je suis vraiment désolé, mais il y a d'autres personnes derrière. Et sinon, ça va pas rentrer pour les deux heures. Donc en premier, on a eu Scorpion avec Big City Nights, suivi de Iron Maiden avec Fear of the Dark et un instant Halloween. Allez, on va passer la prochaine dédicace, c'est Ardelix avec le morceau Popcorn Public. Et ça, c'est pour Avalon Louis Chameau et Blackfield, merci Lawless. Allez, bonne écoute dans le Metal Express et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Des intrigues réchauffées, servent son monde d'émotions. Voilà, donc c'était le groupe normand Ardelix avec Popcorn Public. Donc ça, c'était un morceau que j'ai dédié pour mon ami Avalon, Louis Chameau et également Blackfeel. Merci Loles. Allez, voici maintenant Agiro. On les retrouve avec un morceau qui s'intitule El Gringo. Et ça, c'est pour Pierrot de Fécamp. Donc bonne écoute dans le Metal Express. Et ça, c'est le nouveau EP du groupe Fécampois Agiro. Allez, on écoute. We'll be right back. super morceau donc instrumental du groupe Agiro, donc ce fameux EP qui est sorti. Prochaine dédicace, et ça c'est pour Pat de Kebras Record. C'est une artiste au nom de Brume et ce morceau s'appelle Rien du tout. Allez, on écoute. Rien calculateur, ces petits riens que des menteurs, pour tout ou rien, mais trop charmeur, c'est presque rien, ces petits leurs, ces petits riens de rien du tout, ça mène à rien, mais ça change tout. Rien, c'est de l'espoir. Pour rien du tout, on broie du noir. C'est bien pour nous de les avoir. C'est mieux pour nous de les vouloir. Ces petits riens de rien du tout, ça mène à rien, mais ça change tout. Ces petits riens de rien du tout, on s'en souvient, on rit de nous. Un petit rien, ça fait du bien. Mes petits riens sont incertains. Tes petits riens viennent quand c'est bien. Ce petit rien, mais quel vaut rien. Ces petits riens sont des voleurs. Sans valeur, qui vole en rien, vole en cœur. Rien c'est que du baratin. Un pour tout, c'est tous pour rien. Pour rien du tout, on s'en souvient. Toi tu veux tout, moi je ne veux rien. Ces petits riens de rien du tout, ça mène à ça change tout. Ces petits riens de rien du tout, on s'en souvient, on rit de nous. Ces petits riens de rien du tout, on s'en souvient, on rit de nous. Voilà, donc c'était l'artiste Brume avec Rien du tout. C'était pour Pat, donc de Kebras Records. Prochaine dédicace, donc le morceau, non, le nom du groupe s'appelle déjà Reanimator avec Pray Peace. Non, on va recommencer tout ça. C'est Peaceful Readdiction et donc ça m'a été demandé par Mathieu. We'll be right back. Réanimator, ça s'appelle, et ça a été demandé donc par Mathieu de Rouen. Et le morceau qu'on a écouté, Peaceful Eradication. Maintenant, on va passer le dernier morceau d'Agiro. Ça s'appelle Desire. Et ça, ce morceau, je le dédie donc à tous les Fécampois. Et Dieu sait que je sais qu'il y en a qui écoutent. Et à tous les Normands. Voici Desire, donc, extrait du nouveau EP d'Agiro. I'm fascinated by the sound. Voilà, donc le groupe Fait Campois à Giraud avec Desire. Je vous rappelle qu'ils ont une page Facebook. Si vous voulez aller y faire un petit tour, n'hésitez pas. Il y a également la prévente de leur nouveau EP. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et puis achetez-le. Il est vraiment excellent. Prochain morceau, voici Primal Feel. Et ça s'appelle In Memory, en mémoire d'une personne très chère. D'ailleurs, cette personne qui nous écoute me l'a demandé. Je comprends. Voici Primal Fear, In Memories. Last. In my own dream, I am standing at the wall. Dark clouds are passing by, and the evil takes control. Emptiness is calling. I'll light a candle now. So many times I talk to the dead, the reason to go down. In memory of you, wait till the morning dew. It hurts my soul, it kills my mind. In memory of you, feels so dark inside, waiting till the morning light. Walking on. We'll be right back. Ce morceau, donc, In Memory, est en mémoire d'une personne, qui nous est très chère, le groupe Primal Fear, à l'instant, dans le Metal Express. Voilà, il est l'heure de nous quitter. 2 heures, ça passe vite. Nous, donc, on se retrouve lundi prochain. Ce sera le 28 mai, le Metal Express. Je vous rappelle que Metal Express sera en rediffusion sur Canal Fuzz Radio mardi à partir de 20h jusqu'à 22h et sur Radio Fréquence Zik dimanche de 21h à 23h si vous avez envie de vous faire plaisir de réécouter cette émission. Le podcast, donc, ce sera pour demain. Alors, je peux pas vous dire si c'est demain matin ou demain soir. De toute façon, elle sera sur la page Facebook Radio Heavy Metal et également sur la page Facebook Metal Express. Voilà, je vous donne la boîte mail, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Si vous avez envie de m'écrire, si vous voulez passer à l'antenne, n'hésitez pas. Et puis, on fera tout ça la semaine prochaine, donc le 28 mai. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à lundi. Allez, ciao !